Il y a 4 ans, un nouveau parti est né. Il a été créé par la fille d'un ancien politicien totalement infréquentable. Ce parti, il est vraiment génial parce que c'est le seul qui veut se dire tout fort ce que tout le monde pense tout bas. C'est le seul qui n'alimente pas les polémiques politicardes de l'UMPS. Évidemment, c'est un parti irréprochable. Pas de fraude, pas de faux comptes de campagne, pas de ministre voleur. Ouais, pas de ministre tout court, c'est vrai. Et puis, en plus, leur chef, elle est charismatique. Elle est la seule à nous proposer vraiment du travail avec des vraies solutions. Bah ouais, c'est pas compliqué. Son argument, il est imparable. On a essayé la droite, on a essayé la gauche, et on les a pas essayés eux. Hey, c'est pour ça que ça marche pas, hein. Et puis en plus, c'est les seuls à laisser les jeunes s'exprimer. Ils ont trouvé 3842 candidats pour les cantonales, et parmi eux, eh ben, il y a la plus jeune, qui a 18 ans, et aussi la plus vieille, qui a 91 ans. Et pareil pour les municipales, hein, l'année dernière. J'ai même un copain, il était sur une liste, il a 20 ans. Bon, il était pas au courant, mais au moins, les jeunes peuvent parler, hein. Et puis c'est vrai quoi, même si Marine elle le dit pas, on sait bien que quand on aura renvoyé tous les Noirs et tous les Arabes dans leur pays, on pourra enfin mettre tous les diplômés qui trouvent pas de boulot à leur place, à l'usine, sur les chantiers ou à ramasser les poubelles, hein. Et il n'y aura plus de chômage. Alors oui, les candidats comparent Taubira à un singe, présentent des juifs avec une cible sur le front, font des blagues un peu vaseuses sur les bougnoules, mais bon, c'est un détail.